Le crime de Saint-Cloud par Henri Lavedan. C'était la foire de Saint-Cloud. Attention ! Beuglait l'Hercule, une espèce de brute qui se dandinait lentement, comme ennuyé de sa force. Le travail qui va suivre est spécialement recommandé aux amateurs. C'est du nanan. La jolie série de dislocations, exercices des reins, perfectionnée par la jeune et gracieuse Irma, âgée de 11 ans, dite l'enfant des Pampas. Et qui nous a valu les compliments écrits de Sa Majesté l'Impératrice Victoria, reine d'Angleterre et de plusieurs Indes. En même temps, il lance en l'air la gamine. Elle tournait sur elle-même et la rattrapait par les pieds. J'avais à ma droite un vieux petit monsieur d'une 60aine d'années qui regardait attentivement par-dessus l'épaule d'un lignard. Le saltimbanque déposa l'enfant à terre et lui tendant son mufle, « Allons la coquine, une caresse à papa !» Elle pirouata, et d'une voix fêlée, qui n'était ni de son sexe ni de son âge, « Ah, ne m'emmerde pas !» La galerie éclata de rire, mais pas longtemps que l'Hercule s'abattit de toute sa hauteur, les bras ouverts, et à sa place, debout au milieu du cercle, apparut un vieux monsieur, très pâle, pétrifié, les yeux démesurément dilatés, tenant à la main un sabre en baïonnette d'où tombaient quelques gouttes de sang. Il avait des gants de filoselle noire. C'était mon voisin. Avec une rapidité foudroyante, il avait arraché du fourreau l'arme du fantassin placé devant lui, bondi comme un jeune homme, et frappé l'Hercule en pleine poitrine. Le malheureux râlait, se tordant. 20 personnes se précipitèrent sur l'assassin qui se laissa désarmer. Des agents accoururent aussitôt et l'emmenèrent au poste, au péril même de leur propre vie, car la foule voulait l'écharper. Ce crime, dès le lendemain, fit un tapage énorme, et on en parla dans les journaux. L'accusé était un gentilhomme riche, bien né, parfaitement honorable, le comte de Saint-Michel. Au cours de l'instruction, il refusa opiniâtrement de révéler le mobile du crime, enfoncé dans une sombre et perpétuelle mélancolie, se réservant, disait-il, de plaider lui-même sa cause devant le tribunal. Le jour du procès, la salle des assises était pleine d'une foule impatiente. Monsieur de Saint-Michel parut enfin, et après les nombreuses dépositions des témoins, quand on lui donna la parole, il se contenta, devant le jury, pour sa défense, de dire à peu près ce qui suit. « J'avais une fille unique, ma seule passion en ce monde. Je suis veuf depuis sa naissance, car elle a coûté la vie à sa mère. Cet enfant me fut enlevé par des saltimbanques. Il y a 18 ans, et malgré de longues et incessantes recherches, il me fut impossible de retrouver ses traces. Je ne me tins pas pour battu. Presque toute ma fortune a passé à la poursuite de ce bonheur envolé. Les années s'écoulèrent. Avec quelle rapidité, douloureuse pour moi, vous ne sauriez l'imaginer, car chaque heure, chaque minute, m'éloignait du but au lieu de s'en rapprocher, et je sentais le temps s'enfoncer comme un coin entre ma fille et moi, rendant immense, infranchissable, les distances qui nous séparaient déjà. Un jour vint où je pris le deuil de l'enfant et où je l'enterrai dans mon âme. À partir de cet instant, elle fut pour moi aussi manifestement morte que si j'eusse enseveli de mes propres mains son cadavre, et même, ayant le courage de me résigner petit à petit à ce sacrifice, je suppliai Dieu d'avoir pitié de mes souffrances et de ne pas mettre sur mon chemin celle à laquelle il m'avait forcé de renoncer. C'était fini, je n'avais plus de fille, plus rien. J'étais une seconde fois veuf et aussi orphelin, tout seul. C'est ici, messieurs, que commença la singulière maladie qui devait m'envahir, me posséder tout entier, qui, par une lente et insensible progression, m'a fatalement amené au crime et sur ce banc d'infamie où je n'aurais jamais cru m'asseoir. J'ai dit maladie, c'est plutôt manie, que j'aurais dû avouer. En effet, le jour où j'ai abandonné tout espoir de retrouver ma fille, fermement décidé à ne risquer aucune tentative dans ce but, de ce jour même où je voulus ne plus m'occuper d'elle, puisqu'elle était morte, de ce jour-là, je fus chassé, emporté, poussé par une force mystérieuse, à courir de préférence dans tous les endroits où elle eût été susceptible de se trouver, si quelquefois la pensée m'était venue de me livrer à de nouvelles recherches. Et alors, je menais une vie errante, décousue, vagabonde comme celle de ces bohémiens qui m'avaient autrefois volé mon trésor. On me connaissait sur les grandes routes. Je parcourais la France d'un bout à l'autre en tous sens. Pas une fête, pas une foire, ne pouvait avoir lieu quelque part sans que je ne fusse contraint de m'y précipiter. Normandie, Bretagne, Auvergne, le Midi, le Nord, de Rouen à Beaucaire, de Bayonne à Lille, j'ai été partout. Je ne manquais pas une réjouissance foraine, pas une assemblée. Et savez-vous pourquoi? C'était pour voir tous les enfants que l'on exhibait et qui travaillaient en plein air. Filles ou garçons m'attiraient au même degré. J'étais devenu l'homme des foires, le père de tous les petits batteleurs. Je me sentais pour eux, individuellement et collectivement, des trésors de tendresse. J'aurais voulu les embrasser. Je les applaudissais. Je leur jetais des pièces blanches. Ils me rappelaient l'autre, la mienne. Je songeais. Elle était comme cela. Et je n'éprouvais à cette pensée qu'une vague surprise. De chagrin, pas l'ombre. Mais bientôt, à côté de ce sentiment affectueux, très doux, il en naquit un second, dans mon cœur, exigeant et terrible, la jalousie. Quand je voyais des pauvresses âves assises sur le seuil de leur baraque et pressant des enfants dans leurs bras, j'avais envie de battre ces femmes. Les mots « père »,« mère » me mettaient de la haine aux yeux. J'en vins envisager froidement mon malheur et excuser les inconnus qui m'avaient pris ma fille. C'étaient peut-être des gens qui n'avaient pas d'enfants, mon Dieu. Et je me sentais capable d'en faire autant. Cette jalousie grandit en moi et elle avait atteint le paroxysme de la fureur le jour où j'ai commis le crime dont on m'accuse. À Saint-Cloud, je m'étais rapproché machinalement d'un homme qui travaillait au milieu d'une foule. Une fille de 9 ou 10 ans faisait des exercices sous sa direction. Je la trouvais gentille. Il me parut qu'à son âge, ma petite avait dû avoir les mêmes cheveux, les mêmes yeux, la même tournure délicate. L'illusion fut si intense que je m'imaginais en effet que c'était elle. Tout au fond de moi-même, je constatais l'erreur de mon imagination, m'en m'efforçant de l'entretenir et de la prolonger. Je tressaillis. Une émotion indicible s'empara bientôt de moi. J'allais m'élancer vers elle, les bras étendus, quand l'homme l'appela, lui demandant un baiser. Elle ouvrit la bouche, et de ses lèvres tomba une obscénité. J'eus la vision nette de ma fille déshonorée, salie par ce misérable. Il ricanait, la foule aussi, tous contre moi. Le sang me monta au cerveau. Un militaire se trouvait à ma droite. Ma main se crispa d'elle-même sur la poignée de l'arme. Et ce n'est que le lendemain que j'eus conscience d'avoir tué. Voilà mon crime. J'ai assassiné un innocent que je ne connaissais pas et qui ne m'avait rien fait. Et pourquoi? Parce que pendant 5 minutes, il a été le voleur de ma fille. Je ne sais si quelques-uns de vous me condamneront. Je suis prêt à tout. Mais je me recommande à la pitié de ceux qui ont des enfants. Le jury, cette fois-là, heureusement composé, rendit après 5 minutes de délibération un verdict unanime de non-culpabilité. Depuis, le comte de Saint-Michel vit enfermé chez lui et ne sort jamais. Il a peur de recommencer. C'était Le crime de Saint-Cloud par Henri Lavedan.